Bonjour amis auditeurs, auditrices de la radio Isanganiro, bienvenue à l'écoute de ce journal, en voici l'essentiel. Les riziculteurs de la province Bobanza grognent suite au retard de la construction du barrage hydro-agricole de Kadjeke. Pour le moment, la plaine de Limbo souffre d'une insuffisance hydrique. Des citadins de Bujumbura plaident pour la construction d'une digue pour protéger le lac Tanganyika afin de protéger les infrastructures riveraines. C'est un reportage à suivre dans cette édition. À Changhuzo, le quartier Nyamarahara du chef-lieu de cette province est dans le noir. En plus de cela, il n'a pas même d'eau potable de la régie des eaux. Notre correspondant nous fera le point dans ce journal. Et comme à l'accoutumée, après ce journal, je vais céder le micro à Francine Ndokubgaï et Jean-Bosco Ndouimana pour vous présenter la revue de la presse. Bienvenue. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Page agriculture pour commencer cette édition. Les cultivateurs de la province Bobanza, surtout ceux de la plaine et solamente du retard des travaux de construction du barrage hydro-agricole de Kadjeke. Ils disent que les récoltes diminuent chaque année suite à un ensoleillement prolongé. Le prix d'un kilo de riz est aujourd'hui à 2500 francs, un record jamais atteint. Certains de ces cultivateurs ont transmis une correspondance au ministre de l'Agriculture, lui demandant où en est avec le projet de construction du barrage de Kadjeke, Space Cartas Kawanyana correspondance. Certains de ces cultivateurs qui se lamentent, regroupés dans 6 coopératives, ont dernièrement écrit au ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, lui demandant où on en est avec le projet de construction du barrage hydro-agricole de Kadjeke et le sol réservé aux entreprises qu'il avait construites il y a plus de 10 ans, des constructions inachevées qui se sont directement écroulées. Ces cultivateurs, surtout ceux situés dans la plaine, déplorent le fait que les récoltes diminuent progressivement par an suite à un déficit pluviométrique et un ensoleillement prolongé, facilitant ainsi les maladies des plantes et ravageurs. Ils disent également qu'aujourd'hui, un kilo de riz coûte 2500 francs au marché, un prix jamais atteint auparavant, et ils craignent que ce prix du riz risque de continuer à monter car ils ne sont pas en train de le cultiver suite au manque d'eau d'irrigation. Cela étant, le directeur général de la Société régionale de développement de la plaine de Limbo, SRDI, tranquillise et précise que pour le barrage hydro-agricole de Gatura, qui s'était écroulé au mois de mars cette année suite aux pluies intenses, les travaux de réhabilitation sont presque terminés. Les cultivateurs encadrés par la SRDI pourront bientôt reprendre les activités selon le directeur général de la SRDI, Space Caritas Kawanyana, Bobanza, Radio Isanganiro. Merci Space Caritas Kawanyana. Environnement, à présent, les bergers du lac Tanganyika devraient être protégés car la montée des eaux de ce lac détruisent les infrastructures riveraines, comme le disent certains habitants qui sont exprimés au micro de la radio Isanganiro. La situation est ainsi au moment où l'eau de ce lac s'est retirée dans quelques endroits et dans d'autres coins toujours sont submergés et non fonctionnels. Le point avec Oda Ndaishimi. Arrivé sur la route qui longe le lac Tanganyika, tout près de la plage Safi Beach, là où on a fait bifurquer la route à cause de la montée des eaux qui l'a menacée, la situation est toujours la même. La route ne passe que dans un seul sens. Les berges sont protégées par de grands cailloux jusque tout près de la régie des eaux. À Kibenga, la plage Sagavodo est encore entièrement inondée, ainsi que les maisons qui se trouvent aux alentours. Niragira Gaspard, un des habitants de cette localité, fait savoir qu'ils accusent d'une grande perte. Sur les bords du lac Tanganyika, les maisons, pour la plupart en location, ont été détruites. C'est une grande perte pour le pays et la population. L'eau monte toujours. Ici, il y avait un cabaret qui était rentable pour la population et l'État. Cela est donc une grande perte pour l'État et la population. Ils demandent à l'État de leur construire des murs de soutènement sur les berges du lac afin de les protéger. Ce que nous demandons à l'État, c'est la construction des murs de soutènement pour protéger ces maisons de la population afin qu'elles puissent y trouver bénéfice. La situation est pareille à l'ancienne plage La Costa Beach de Kibenga. Toutes les infrastructures sont inondées et presque entièrement détruites. Néanmoins, le constat est différent. Sur les lieux de détente appelés Wood Beach et Le Cantique, des travaux de soutènement des berges y ont été effectués par les propriétaires afin de protéger leurs infrastructures. Les eaux du lac Tanganyika ont commencé à monter en février 2020. Jusqu'à présent, le lac n'est pas toujours complètement revenu dans son lit. De Bujumbura, la capitale économique, rendons-nous à Tianguzo, à l'est du pays, où plus de 500 ménages du quartier Nyamarahara du chef-lieu de la province Tianguzo vient de passer 5 ans sans raccordement à eau et en électricité. La population de ce quartier parle de l'aménagement de 4 avenues pour faciliter l'accès à l'eau et à l'électricité sans succès. À la régie des eaux Antenne Tianguzo, l'on précise que la solution proviendra de la direction générale de la régie des eaux, n'est-ce pas Raymond Moudende? Le quartier Nyamarahara est situé à plus de 2 km à partir du chef-lieu de la province Tianguzo en direction de Ruigi sur la route nationale RN13. Ce quartier se situe effectivement en dessous de la RN13 où il y a l'eau et l'électricité, mais de la 2e avenue jusqu'à la 4e avenue de ce quartier, il n'y a ni eau ni électricité. La population de ce quartier se lamente comme quoi cette partie a été oubliée malgré les efforts d'aménagement des avenues pour faciliter le raccordement en eau et en électricité. Le manque du courant empêche l'utilisation des ordinateurs portables ou à l'accès de la télévision, et de préciser également que le vol des ménages est difficile à combattre dans une zone non éclairée. Espérance Nimbona, chef du quartier Nyamarahara, insiste sur le manque d'eau. Selon elle, plus de 500 ménages n'ont pas accès à l'eau et à l'électricité de la régie des eaux. La population de cette localité doit payer entre 200 et 500 francs par bidon, selon toujours le chef de son quartier. L'absence de raccordement en eau et en électricité est connue à la régie des eaux Antenne Tianguzo, et même les habitants de son quartier ont écrit une lettre de demande de raccordement adressée à la direction générale de la régie des eaux avec une copie à l'antenne Tianguzo. Mais il n'y a pas eu d'issue favorable. Et de rappeler que même si certains quartiers du chef-lieu de la province Tianguzo n'ont pas encore bénéficié du raccordement en eau et en électricité, ceux qui en bénéficient en eau, par exemple, parlent de l'eau souillée, de la provenance des robinets de la régie des eaux, une question que la régie des eaux avait promis de résoudre il y a plus d'une année. Depuis Tianguzo, Raymond Moudende, Radio Isanganiro. Captez Isanganiro, écoutez la différence. À 13h03, poursuivons cette édition. La transformation du fonds pour la promotion de l'habitat vers la banque pour l'habitat du Burundi s'est fait conformément à la loi. Constat fait par le Conseil des ministres tenu ce mercredi de cette semaine. Prosper Nawami, secrétaire général de l'État, indique néanmoins que le Conseil des ministres a recommandé à la banque de réparer quelques irrégularités pour qu'elle fonctionne normalement. Suivez-le. S'agissant de cette transformation du fonds en banque, il s'agit d'un processus qui a commencé en 2011 sur recommandation du Conseil des ministres et d'une mission de l'inspection générale de l'État au cours de la même année. La Banque de la République a adressé au Fonds de promotion de l'habitat urbain en date du 29 avril 2021 la lettre portant acte d'agrément de la Banque de l'Habitat du Burundi en qualité de banque commerciale. Après analyse de la note présentée, le Conseil des ministres a constaté que le processus de transformation du fonds de promotion de l'habitat urbain en Banque de l'Habitat du Burundi a été mené conformément à la loi. Cependant, le Conseil des ministres est revenu sur la défaillance des représentants de l'État dans cette institution qui n'ont jamais voulu informer l'État via le ministère de tutelle sur le déroulement de ce processus. Il a été ainsi recommandé d'identifier l'élément qui a brisé le maillon de chaîne de communication et qui fait que l'État ne soit pas régulièrement et correctement informé sur ce processus et prendre les mesures nécessaires. Augmenter le capital de la banque. Faire un clin d'œil aux dirigeants de la banque par rapport à leur qualité et à la validité des actes qu'ils posent actuellement. Procéder aux ajustements nécessaires pour que les organes de la banque travaillent dans la légalité. Faire le suivi nécessaire pour que le projet de construction des maisons pour la diaspora burundaise ne soit pas bloqué et se termine le plus vite possible. Éviter que la BHB ne se transforme en une société de construction, mais finance plutôt l'habitat. Santé à présent, des femmes parlementaires demandent que la vasectomie soit évoquée comme une des méthodes contraceptives la plus efficace lors des séances de sensibilisation sur le planning familial au lieu d'insister sur les seules méthodes contraceptives des femmes. À ce propos, Dr Georges Gahungu, dit finnois, reconnaît l'efficacité de la vasectomie. Ces propos ont été tenus ce vendredi à Gitega dans un atelier organisé par l'Association des femmes parlementaires du Burundi à l'occasion de la clôture de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et filles. Gérard Nebigir. Certaines des femmes parlementaires demandent que, lors des séances de sensibilisation sur le planning familial, la vasectomie pour les hommes soit aussi évoquée comme une des méthodes la plus efficace dans la réussite du planning familial, au lieu d'insister seulement sur les méthodes contraceptives des femmes. Elle justifie les positions en disant que la vasectomie est efficace à 100%, donc son taux d'échec est 0%. Elle regrette le fait que les mobilisateurs communautaires et tous ceux qui font la sensibilisation sur les méthodes contraceptives s'intéressent seulement aux femmes et laissent de côté les hommes. Elle propose qu'il y ait aussi sensibilisation à l'endroit des hommes, du moment qu'un homme qui a 3 ou 4 enfants n'a nul besoin d'en avoir d'autres. Le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le VIH-Sida a été ainsi appelé à intervenir afin que même les hommes soient impliqués dans le planning familial en faisant notamment la vasectomie. À propos, Dr Georges Gahungu du Fonds des Nations Unies pour la population qui a fait une présentation sur le planning familial a déclaré que la vasectomie est effectivement efficace à 100%. Il a aussi indiqué que la place des hommes dans le planning familial est d'importance capitale et que sans implication des hommes, le planning familial ne pourra pas réussir. Il propose alors la tenue d'une assemblée des hommes afin d'arriver à des probables conclusions. Tous ces propos et tant d'autres encore ont été tenus ce vendredi à Gitega lors d'un atelier organisé par l'Association des femmes parlementaires du Burundi à l'occasion de la clôture de la période de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et filles. Depuis Gitega, Gérard Nibigira pour la radio Isanganiro. Merci Gérard Nibigira. Près de 400 jeunes issus de 76 coopératives ont déjà bénéficié des formations sur l'élevage des poules et porcs de la part du Programme national d'autonomisation économique et d'emploi des jeunes PAEJ. Désiré Manerakiza, coordinateur de ce programme, précise que près de 400 000 jeunes ont déjà terminé leurs études, mais qu'ils n'ont pas d'emploi. Suivez-le au micro de Mireille Kanyang. Aujourd'hui, les données que nous parvenons à recouper en visitant les bases de données de plusieurs institutions internationales, que ce soit les statistiques du monde, indiquent que nous avons une population jeune à hauteur de 72% de la population globale. Le dernier recensement date de bientôt 12 ans. Nous avons une population majoritairement jeune. Ce caractère jeune de la population se voit également lorsqu'on visite en fait à l'intérieur même de cette catégorie de jeunes de Burundais ayant moins de 35 ans. On se rend compte que ceux qui ont entre 15 et 35 ans avoisinent également les 40% de la population globale. Mais le plus important, c'est que, bien évidemment, aujourd'hui encore, dans le contexte du Burundi, lorsqu'on observe les indicateurs en lien avec l'emploi, le plus grand employeur reste le secteur informel, dont on connaît la précarité des conditions, mais également la précarité des salaires. Ça veut dire qu'une grande partie des actifs du Burundi s'active davantage dans le secteur informel. Or, on sait très bien que le secteur informel n'offre pas de meilleures conditions de travail. La deuxième chose, c'est qu'on constate qu'une grande partie d'entre eux, n'est-ce pas, à la fin de leurs études, passent une grande partie de leur temps avant de trouver le premier emploi. Les données qui doivent aussi être actualisées montrent que plus de 90% des jeunes lauréats de nos universités et nos instituts d'enseignement supérieur passent plus de 5 ans avant de trouver le premier emploi. C'est beaucoup. Pour le moment, le programme est jeune. Quelles sont les formations que nous leur donnons? Il y a des jeunes qui ont choisi de s'investir dans l'agroalimentaire. Ceci, nous avons demandé que chaque province choisisse une culture ou un animal d'élevage. Une grande partie de ces jeunes vont donc soit élever les poulets, soit élever les porcs, ou cultiver le maïs. Donc, avant de leur donner les porcelets ou des poussins, nous procédons d'abord à la formation pour les former dans des techniques modernes d'élevage, soit des poulets ou des porcs. Pour le moment, nous avons, depuis avril, 396 jeunes qui sont déjà bénéficiaires du programme. C'était Désiré Manerakiza, coordinateur du Programme national d'autonomisation économique et d'emploi des jeunes PAEJ. Un homme qualifié de faussaire est au cachot de la police au commissariat de la province Karoussi, accusé de distribution de faux billets. La police indique avoir saisi 17 faux billets de 10 000 francs bouts que l'homme en question venait de donner aux vendeurs des unités de recharge et de téléphone au chef-lieu de la zone et commune Bouhiga. Les élèves qui viennent de terminer les humanités indiquent que l'homme en question venait de les tromper et lui ont donné 680 000 francs déposés dans son téléphone, une partie et une autre est transférée dans le téléphone de sa conjointe. Il demande la restitution de la somme manquée. La police signale de l'avoir appréhendé au niveau de la rivière Ouvoubou en fuite vers Gitega et d'y continuer des enquêtes pour débusquer ceux qui seraient en connivence avec cet homme. Sport pour boucler cette édition, le nouveau visage à la tête de la Fédération de volleyball du Burundi, le général Serge Nakavura, vient d'être élu sur 22 voix au poste de secrétaire général Bigirimana David. Le général Serge Nakavura succède à Gordien Iradukunda. Et voilà, à 13h11, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à François Akimana pour sa parfaite collaboration technique. Dans quelques instants, c'est la revue de la presse avec Francine Ndokoubgayo et Jean Bosco Ndouimana. Vue de la presse. Bonjour, bonsoir, cela dépend d'où vous nous écoutez. Le ministère des Affaires de la Communauté Est-Africaine, de la Jeunesse, des Sports et de la Culture a dernièrement organisé un atelier de renforcement des capacités en entrepreneuriat et a octroyé des kits de démarrage pour les jeunes entrepreneurs de la province Ruyigi, rapporte l'agence burundaise de presse. Ce journal précise que ces kits étaient composés de machines à coudre, du matériel de menuiserie, de la farine de blé et de l'huile servant à la fabrication des beignets et des machines servant pour la coiffure et une vingtaine de porcelets pour le démarrage de projets d'élevage. À l'ouverture de cette activité, écrit toujours l'ABP, le ministre Ezekiel Nibigira a fait savoir que la jeunesse du Burundi fait actuellement face à un défi global de manque d'emploi, mais qu'elle doit initier des projets de développement pour que leur avenir soit le fruit de leurs efforts unifiés au sein des coopératives. Il a souligné, toujours dans les colonnes de ce quotidien, qu'il est plus facile de prospérer pour un jeune entrepreneur intellectuel par rapport à un jeune non instruit, étant donné que pour l'intellectuel, ses connaissances l'aident à faire des recherches innovantes et ouvrir de nouveaux horizons par rapport aux non instruits, explique le ministre en charge de la jeunesse, toujours dans les colonnes de l'ABP. De son côté, Burundi Eco rappelle que dans le recensement des jeunes chômeurs réalisé en 2020, on a constaté que 400 000 jeunes diplômés sont sans emploi, alors que le gouvernement du Burundi n'emploie que 120 000 fonctionnaires. Les chômeurs restent trois fois supérieurs à ceux qui travaillent, ce qui fait qu'une grande partie des actifs du Burundi travaillent dans le secteur informel, fait remarquer cet hebdomadaire socio-économique. Ce journal rappelle le forum pour les jeunes organisé en novembre 2020 et dont la principale recommandation a été la mise en place d'un programme qui a pour mission de mettre la jeunesse au cœur du développement afin de la rendre autonome en luttant contre le chômage et les effets pervers connexes, d'où la naissance du programme d'autonomisation économique et d'emploi des jeunes PAEJ, financé par l'État à hauteur de 48 milliards de francs bouts. Et le journal Iwachu a recueilli une série de réactions sur la mise en place de ce programme. Et beaucoup sont unanimes pour souhaiter qu'il soit plus inclusif qu'il ne le semble aujourd'hui. En effet, détaille cet hebdomadaire, le président du parti Uprona, Olivier Nkurunziza, le secrétaire général du parti CNL, Simon Bizimungu, font savoir que les jeunes de leurs partis respectifs ne sont pas au courant de ce programme et que donc il ne faut pas que ce soit un programme dans quelconque parti politique si l'on veut atteindre les résultats escomptés. Eric Ndaikengurukiye, coordinateur national du réseau des organisations des jeunes en action Régia en sigle, et le président de l'EDUCOM, Gabriel Eloufili, sont également de cet avis et ce dernier conseille aussi d'éviter les malversations économiques qui se sont manifestées présentés dans d'autres programmes. Enfin, le journal Iwachu note la réaction d'Eric Nsengimana, représentant de l'Association pour une jeunesse africaine progressiste, AJAP, qui déclare qu'ils sont satisfaits puisqu'il n'y a pas encore de plainte d'exclusion de leurs membres. Revue de la presse. À l'occasion de la clôture ce vendredi 10 décembre 2021 des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, le journal La Voix de l'enseignant retrace les grandes lignes du rapport accablant sur les grossesses non désirées en milieu scolaire, un rapport du ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique. En effet, précise cet hebdomadaire de l'éducation, ce rapport qui couvre la période des années scolaires 2014-2015 jusqu'à 2018-2019 montre qu'au niveau national, dans les écoles fondamentales, on observe un total de 440 grossesses et au poste fondamental, le rapport enregistre 828 cas au niveau national. Enfin, Net Presse publie en marge de la célébration de la Journée mondiale des droits de l'homme ce 10 décembre les listes des journalistes emprisonnés en 2021, telles que rendues publiques par la Fédération internationale des journalistes FIJ ce vendredi 10 décembre depuis Bruxelles. Selon les statistiques de la Fédération, précise ce quotidien en ligne, 45 journalistes ont été tués depuis le 1er janvier et 365 autres sont toujours derrière les barreaux. Ainsi se referme cette revue de presse préparée et présentée par Francine Ndeokougayo et Jean Bosco Ndouimana. Restez branchés sur nos ondes. Revue de la presse.